48. La seconde exception culturelle française. Luparive. La seconde exception culturelle française. En France, tout devrait mener à une vision équilibrée de la création et une coalition du domaine public devrait y trouver aisément de nombreux renforts. Le droit d'auteur et le brevet y sont nés pour imposer un équilibre entre respect des auteurs et intérêt général. Les débats politiques sur ces sujets furent vifs et denses tout au long du XIXe siècle et jusqu'à la moitié du XXe, comme en témoignent certaines prises de position du Front populaire. En 1919, dans « Pour être socialiste », Léon Blum se montrait ainsi très critique avec le brevet, étendant sa dénonciation de l'injustice foncière qui gît à la racine même des modes actuels de la propriété, au concept de propriété individuelle d'un inventeur sur sa création. Est-il vrai que sa découverte soit bien à lui? Le même homme l'aurait-il mené à terme, vivant seul dans une île déserte ou naissant dans quelque tribu sauvage de l'Océanie? Ne suppose-t-elle pas, au contraire, tout l'actif préalable au travail humain? N'est-elle pas, pour le moins, le résultat d'une collaboration, d'une coïncidence entre son génie individuel et l'effort collectif de la civilisation? La collectivité devrait donc, pour le moins, recueillir sa part du bénéfice. Sous le Front populaire, son ministre de la Culture, Jean Zay, tentera même de faire voter une réforme profonde du droit d'auteur afin de défendre les travailleurs intellectuels dont la position est affaiblie par l'essor des intermédiaires économiques qui exploitent ses créations et équilibrer sur de nouvelles bases les rapports entre les auteurs et les éditeurs. Le tableau n'est pas différent de la situation actuelle où le droit d'auteur a été capté au profit des producteurs, éditeurs et entreprises. Le texte du Front populaire se préoccupait ainsi de donner sa dimension au domaine public. Le projet de loi de Jean Zay sera enterré par le lobbying des éditeurs littéraires et de musique, relayé par la droite. De la même façon, l'attachement profond de grands hommes républicains, tels Victor Hugo, tout à la fois à la défense des auteurs et à celle du public, marque encore l'histoire de la propriété intellectuelle à la française. Pourtant, tout se déroule comme s'il était impossible de penser le droit d'auteur hors du cadre rigidifié dans lequel on l'enferme aujourd'hui. On ne sera pas surpris que les producteurs ou les éditeurs s'opposent à la circulation des œuvres et enchaînent sans nuance toute création. Mais comment expliquer l'alignement systématique de nombre d'artistes sur ces mêmes positions? Côté musique, la SACEM, qui est chargée collectivement des intérêts des auteurs et des compositeurs, cautionne la politique de la terre brûlée des producteurs. Nombre d'auteurs sont pourtant plus soucieux de la circulation de leur création et de leur relation avec le public que ne le laisseraient croire les positions publiques des instances qui les représentent, comme l'a démontré la virulente opposition aux prêts payants en bibliothèque émanant d'écrivains. L'immense majorité des débats publics sur ces sujets tourne de façon surréaliste à l'évocation du combat de Beaumarchais contre les directeurs du théâtre qui le pillaient. Et ce, alors que le droit d'auteur est devenu avant tout l'outil des éditeurs, des producteurs et de tous les marchands de culture, davantage que celui des auteurs eux-mêmes. À qui fera-t-on croire que les traités internationaux comme les ADPIC sont destinés à protéger les écrivains, les compositeurs, les paroliers et les chanteurs? Ce blocage absurde s'explique sans doute par une forme de cécité historique, comme le montre l'historienne Anne Latournerie. La rhétorique autour de la tradition juridique française présente l'histoire du droit d'auteur comme une histoire triomphale, logique, rythmée par des temps forts ayant chaque fois ses héros. Tout débuterait avec les lois libératrices de la fin du XVIIIe. Et la loi de 1957, en application aujourd'hui, et qu'il s'agit maintenant de durcir et d'infléchir, serait l'aboutissement logique de cette tradition, le résultat d'une activité rationnelle, presque sans conflit. Cette linéarité est une fiction. Les violentes polémiques du XIXe siècle comme celles qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale autour du projet de réforme du Front populaire démontrent au contraire que différentes visions politiques se sont toujours affrontées. Mais cette histoire du droit d'auteur a été niée. Tout comme l'origine de la loi de 1957, issue d'une volonté de pacification après les controverses de l'entre-deux-guerres, est vue et voulue comme une loi d'organisation économique, pour concilier les intérêts de l'auteur et les exigences du capital. Selon Anne Latournerie, cette loi sans auteur et peu politique marque le triomphe des médiateurs et des organisations professionnelles. Le paradoxe et le sens de la loi de 1957 résident dans le fait que, tout en sacralisant l'auteur et la création originale, elle est avant tout la loi des droits de la médiation culturelle. La prétendue filiation directe entre les premières lois françaises accordant statut et reconnaissance aux auteurs et les débats d'aujourd'hui est donc une escroquerie. La puissance du mythe, entretenue par les intermédiaires de la culture qui tirent bénéfice de cette situation, continue pourtant de paralyser nombre d'auteurs, convaincus que toute réforme de la propriété intellectuelle les ramènerait au dénuement et à la dépendance au pouvoir qui prévalait avant la Révolution française. Parvenir à rallier les créateurs à une coalition du domaine public nécessite un effort particulier en France. Ici, plus qu'ailleurs, il s'agit de dialoguer, chiffrer, démontrer et réaffirmer sans cesse qu'une conception ouverte de la culture vise non à les mettre sous tutelle, mais à les dégager de celle des marchands. C'est à cette condition que la propriété intellectuelle pourra retrouver un nouvel équilibre, favorisant tout à la fois l'autonomie des créateurs et la circulation de la culture. Ce qui est et devrait demeurer son seul objectif.